suivi les bords du fleuve. Au beau fleuve qui l'avait passé, c'était après-midi. Elle m'a quitté pour le chemin. Chemin, la vois-tu encore? Elle m'a laissé pour la route. Volviendo de Aedo, ton visage se pend, rosale si guemes mocos, polas clandestinas de fabrica l'erba. No vaya a ser, no vaya a ser que no es. Paciencia, corazón de ochava olvida. No vaya a ser, no vaya a ser que no es. Gracias.